J'm'en tape. J'm'en tape. C'est comme ça et j'm'en tape. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la chronique Je m'en tape, une émission dédiée à la découverte du développement personnel pour créer une vie qui vous ressemble en développant vos savoir-être. Je suis Émilie Adam, coach en développement personnel et professionnel et je suis heureuse de vous présenter cette chronique dont le principe est de rendre accessible une notion de développement personnel et de donner des éléments concrets pour avancer. Alors c'est parti, aujourd'hui nous allons parler des râleurs. Qui n'a jamais connu des conversations commençant par un soupir ou une plainte ? La météo, les embouteillages, le boulot, le métro, le dodo, les enfants, le supérieur, les factures, la SNCF, le gouvernement, la grippe, la gastro, le cours du 440, la fin du monde, la fin dans le monde, la liste trop longue de cette chronique, les raisons de râler sont nombreuses. Selon les statistiques, pour nos amis des pays voisins, nous sommes le peuple le plus râleur du monde. Nous nous plaindrions jusqu'à 30 fois par jour, plus d'une fois par heure, même en dormant. Pour une fois qu'on est premier quelque part, en France, on pourrait considérer que la plainte alimente nos conversations. Chacun se plaint tour à tour et on assiste à des joutes verbales où le gagnant est celui qui aura la vie la plus pourrie. Comme si évoquer le positif dans nos conversations ne servait à rien ou n'allait pas susciter l'intérêt. Un jour, j'ai essayé de ne plus me plaindre du tout et les gens ont arrêté de me parler. Et du coup, j'ai été obligée de recommencer. Vous connaissez VDM ? C'est l'acronyme pour vie de merde. C'est un site web créé en 2008 qui rassemble tous les désagréments de la vie quotidienne des gens sous forme de petites histoires. Il met bien en avant que quand on se plaint, on est en quelque sorte valorisé par la société et que tout ça, ça nous fait des histoires à raconter. Allez, je vous partage quelques exemples pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, je suis allée au ciné avec une fille qui me plaît depuis des mois. Après les pubs, elle me dit qu'elle va aux toilettes. Elle n'est jamais revenue. VDM. Aujourd'hui, j'atteins un tel état de fatigue que j'ai toqué à la porte de mon propre bureau pour en sortir. VDM. Apparemment, râler, c'est culturel. Ça alimente les conversations et pour certains, c'est aussi un moyen d'évacuer les tensions, une façon de faire sortir sa frustration pour éviter de craquer. Et se plaindre en groupe permet aux personnes de se rapprocher et de partager des valeurs communes, de se sentir proche de l'autre, de se sentir écouté. Alors pourquoi changer ça, me direz-vous ? Déjà, suivant votre degré de râlerie, il se peut que vous finissiez par vous isoler des autres. Vous avez peut-être déjà dû rendre visite à papy ou mamie en maison de retraite qui passe tout le temps que vous êtes là à critiquer le personnel, la bouffe, les animations, le médecin, et j'en passe. Et franchement, quand on passe une heure avec quelqu'un qui ne fait que se plaindre, on n'a pas envie d'y retourner. Heureusement, les droits de visite ont été réduits de par la situation sanitaire actuelle. Ou alors ce collègue qui se plaint tout le temps de tout, il n'a jamais bien dormi ni passé un bon week-end, et il lui arrive toujours des trucs pourris. Au bout d'un moment, sa présence et son discours vous vident de toute motivation et énergie, et petit à petit, vous allez chercher à l'éviter. Non pas que ça soit une mauvaise personne, mais plus que sa plainte permanente vous épuise. Merci au télétravail. Parfois, on peut ne pas avoir conscience qu'on râle. Se plaindre, c'est par exemple dire « Oh non, c'est lundi, vivement vendredi » ou encore « Quel temps pourri !»« Oh, on m'a collé un nouveau stagiaire, m'en parle pas !»« Mon mec me fait toujours chier !»« Ma femme me saoule !» etc. Quand on râle dans notre cerveau, nous créons des autoroutes neuronales vers la zone plainte, ce qui va nous amener à nous concentrer davantage sur le négatif. La plainte est un puissant générateur d'anxiété, donc quand on râle, on libère du cortisol, l'hormone du stress, ce qui nous rend beaucoup plus vulnérables. Notre système immunitaire s'affaiblit, les risques cardiaques augmentent, le diabète et l'obésité peuvent devenir de bien mauvais amis. En bref, râler tue. Vous pouvez d'ailleurs réécouter ma chronique sur le stress pour comprendre le mécanisme et ses effets, et sans râler, s'il vous plaît. Et à force de vous entraîner à voir le négatif et les problèmes plutôt que le positif et les solutions, en cas d'événement difficile, vous aurez plus de difficultés à mobiliser vos ressources pour sortir de la situation. Vous serez plus facilement bloqué devant la difficulté, figé dans le refus de la situation et en mode victime. Alors qu'à l'inverse, si vous avez tendance à percevoir le positif, vous serez plus attentif à l'opportunité qui vous est offerte face à cette difficulté et vous aurez une plus forte capacité à rebondir, à être résilient et à passer à l'action. Et donc, être acteur plutôt que spectateur ou victime. L'idée n'est pas de vivre au pays de Bambi où tout est extraordinaire et où il n'y a jamais de difficultés. Oh, un papillon ! On peut prendre conscience avec réalisme des choses tout en évacuant la tension ou les émotions ressenties de manière saine. Et pour ça, pas besoin de râler et indirectement d'ajouter un stress supplémentaire à l'organisme. Pour savoir comment faire, je vous invite à réécouter ma précédente chronique sur les émotions ou encore celle sur la communication non violente. Mais disons qu'en quelques mots, râler peut être un problème de non-respect de ses besoins ou une non-écoute de ses émotions. Donc la prochaine fois que vous râlez, réfléchissez à l'émotion ressentie et aux besoins non satisfaits. Globalement, on aspire tous au bonheur. Alors si c'est votre cas et que vous râlez, demandez-vous pourquoi vous vous infligez ça. C'est comme vouloir mettre du diesel dans sa Tesla, ça sert à rien. Parlons maintenant solution parce que c'est possible de changer si vous voulez vraiment être heureux. La première étape serait d'identifier vos râleries automatiques, autrement dit les plaintes réflexes. Je suis fatigué, je vais être en retard, mon compagnon ne m'écoute jamais. S'indigner face aux injustices de la vie, râler face aux difficultés, pourquoi pas? Mais apprenez à transformer vos râleries en actions et améliorations concrètes. La colère est une belle énergie qui peut mener à l'innovation ou, si elle est mal utilisée, à l'autodestruction. Donc une fois vos râleries identifiées, la deuxième étape consiste à trouver des solutions pour résoudre ces problèmes. Faire une cure de magnésium, se lever 10 minutes plus tôt, quitter son mec. Rendez-vous acteur plutôt que victime, vous avez le pouvoir de changer ce qui vous rend malheureux et ce qui vous fait râler. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait de râler peut cacher des émotions non exprimées ou encore des besoins non satisfaits. Un besoin est quelque chose qui part de l'extérieur de nous pour nourrir l'intérieur. Par exemple, si vous râlez en rentrant le soir sur vos enfants qui chahutent, peut-être avez-vous besoin de calme car vous êtes fatigué, ressentez de la colère face au fait de ne pas pouvoir être dans le silence ou de ne pas pouvoir vous reposer. Ou encore, si vous râlez sur votre patron, peut-être que vous avez besoin de reconnaissance ou d'écoute et que vous ressentez de la tristesse parce que ce n'est pas le cas. Apprenez donc à identifier vos besoins et vos émotions et à les exprimer sainement. La troisième étape consiste à lâcher prise sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas de levier d'action. Vous pouvez vous plaindre de la pluie qui tombe ou accepter qu'il pleuve car vous ne pouvez pas changer la météo et prendre un parapluie du coup. Vous ne pouvez pas changer les gens ni le passé. Votre levier d'action, c'est vous. Donnez donc le meilleur de vous-même et lâchez prise sur le résultat, il ne vous appartient plus. La quatrième étape consiste à entraîner votre cerveau à voir le positif. Pour ça, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, prenez un bain, faites une balade en forêt, offrez-vous un massage et ayez de la gratitude envers vous-même et les autres. Par exemple, chaque soir avant de dormir, écrivez toutes les choses pour lesquelles vous avez de la reconnaissance. Par exemple, d'avoir fait la connaissance d'une nouvelle personne inspirante, d'avoir vu un écureuil, ou alors que quelqu'un vous ait laissé passer devant lui à la caisse du supermarché. Et pour aller plus loin, vous pouvez acheter le livre « J'arrête de râler » de Christine Levicky, qui propose un challenge de 21 jours pour arrêter de râler. C'est plutôt sympa et ludique à faire. Elle a aussi fait la version « J'arrête de râler sur mes enfants » et « J'arrête de râler au boulot ». En bref, râler peut nuire au bonheur, donc amusez-vous à expérimenter la non-râlerie pendant quelques jours et on en rediscute. En attendant, je vous souhaite une belle expérimentation et à bientôt pour une nouvelle chronique, je m'en tape.